Vel j'ai aucune ça très bien que nous c'est des boucs qui pas joka. Joka. Aïe aïe. Boum. Ok, ma babi se fait qu'on moun dit yo ok. A réveillé la puissance pas moun ok. Veni me taper en douille en truie ok. Ici ok, ok, ok. Ma babi se fait qu'on moun dit yo ok. A réveillé la puissance pas moun ok. Veni me taper en douille en truie ok. Ici ok. Bayo plus qu'ou des longs kilomètres. Comme un cabayo passé trop de tout si la paresse. Content bop yo kafini ou y'en pa y'en marionnette. M'en pa ka rester ka suivre mou. M'en pa ka force au 6 mou. Avec ma cabayo plus chou. C'est des shoots, pas tout ça gratis moun. M'en ka montré plus moun, que m'en ka fait big tune. M'en force week aussi ou ka koué mout. Adan koukou nou, koukou nou que la délis moun. Ok, m'en pas bise fait qu'on moun dit yo ok. M'en ka veillé la puissance pas moun ok. Veni me trapper y'en douille en truie ok. This is ok, ok, ok. M'en pas bise fait qu'on moun dit yo ok. M'en ka veillé la puissance pas moun ok. Veni me trapper y'en douille en truie ok. On a la maîtrise, même dans la matrix. On met bien comme un joint cannabis. Mitraillette, pochette dans l'iris. C'est bien pas testé, tu vas prendre chauvetine. C'est des fake Batman, j'suis un real black man. Tu suces bien la canne pour avoir ta maille. Ça qui a été touché, ça rabat en valet. Malopette quand yo, poupée, t'ka paye un bel salé. Les you say un free, yo capo pour moraliste. Ma babise, j'aime les familles, mon souris. Ok, ma babise fait qu'on moun dit yo ok. En caveillé la puissance, pas moun ok. Veni me traper en douille, en truie ok. This is ok. Ok, ok, ma papi se fait qu'on moun dit yo ok. En caveillé la puissance pas moun ok. Veni me traper en douille en truie ok. This is ok, ok, ok.